Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne. On peut aimer la nature et se passionner pour les villes. C'est le cas de notre invité, le paysagiste et architecte Nicolas Gilsoul. C'est l'observation de la nature qui l'a conduit à l'architecture. Le point commun, dans la nature comme dans les villes, tout est histoire d'évolution et d'adaptation. Pour survivre et résister aux nouvelles contraintes de leur environnement, les êtres vivants doivent s'adapter sans cesse. De la même façon, les villes doivent évoluer pour faire face à la croissance démographique, au changement climatique, à la transition énergétique ou encore à la pollution. Pour survivre, la ville n'a pas de choix. Elle doit inventer et se transformer. Pour prendre la mesure des mutations à l'œuvre, Nicolas Gilsoul a parcouru 200 villes et a décortiqué les stratégies mises en œuvre. Il livre le fruit de ses réflexions dans un ouvrage écrit avec Éric Orsena intitulé « Désir de ville » aux éditions Robert Laffont. Cet après-midi, il nous emmène avec lui regarder changer les villes à travers le monde. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique de Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard. Nous verrons avec lui ce que lui a inspiré notre thème du jour. Bienvenue au Pinnacle à Duxton, le plus grand ensemble d'habitations publiques du monde. 7 gratte-ciel de 50 étages, l'équivalent de 7 tours Montparnasse, reliées entre elles par de gigantesques jardins suspendus d'un demi-kilomètre chacun. À Singapour, il faut faire vivre un maximum de gens sur un minimum d'espace. Bonjour, comment ça va? La solution, c'est la vie à la verticale. C'est certainement la meilleure solution. L'espace étant toujours limité, lorsque ces immeubles sont bien conçus, c'est très agréable. La famille Chia, comme 80% des Singapouriens, est propriétaire de son logement. Elle l'a acheté à un bon prix. Le Pinnacle at Duxton, l'immeuble du futur, est un programme immobilier public, géré par l'État. On habite ici depuis 5 ans. Et on s'y plaît vraiment. Ici, tout est centralisé. On a un accès facile aux différents services et à toutes les écoles. Extrait d'un reportage diffusé dans Un œil sur la planète en octobre 2015 sur France 2. Nous étions donc à Singapour, 5,9 millions d'habitants. C'est énorme, hein, 5,9 millions d'habitants. Mais il y a bien plus peuplé encore, hein, à la surface du globe. Ne serait-ce que Hong Kong, 65 millions d'habitants et dans les alentours de la rivière des Perles. Alors, Nicolas Gilsoul, lorsque l'on entend la description là pour Singapour de ces immeubles gigantesques, on est plutôt saisi d'effroi. On se dit qu'on n'a pas forcément envie de vivre dans ces tours qui font cette fois la tour Montparnasse avec ses passerelles. Pourtant, il semble y avoir de plus en plus de monde pour aller s'agglutiner dans des espaces de plus en plus réduits. C'est un peu un paradoxe. Oui, c'est fou. Seulement 2% de la surface de la planète, hein, qui sont occupées par les villes et une foule pas possible qui grossit de plus en plus parce que notamment le dérèglement climatique et donc les réfugiés, donc les mouvements et donc etc. Et donc les villes grandissent de plus en plus et deviennent tentaculaires, oui. Mm-hmm. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Hong Kong, vous parliez d'Hong Kong. Hong Kong, c'est la même densité de population que le 11e arrondissement à Paris. Pourtant, c'est pas la même morphologie urbaine. Ouais. Donc voilà, comment est-ce que Haussmann est arrivé à faire certaines choses qu'on n'arrive pas à faire à Hong Kong. Ouais. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, on fait des immeubles très hauts et pourtant, c'est pas plus dense. On pousse en hauteur, voilà, c'est 44 000 habitants kilomètres carrés. C'est la ville Lego, ce que j'avais appelé la ville Lego. C'est une ville verticale, voilà. Alors, on empile, on entasse, mais on mutualise aussi. Aujourd'hui, on mutualise de plus en plus, ça c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'un immeuble va être en même temps une crèche, un cinéma, du logement, un restaurant, un cinéma, bon, etc. Ouais. Ce sont vraiment des points de concentration, hein, ces villes, parce que vous le dites, hein, 2% de la planète en surface, ce sont ces villes. La moitié de la population mondiale y vit. Ça n'est qu'un début. Hein. On projette que dans 10, 20 ans, 75%, les deux tiers de la population iront dans ces villes. Et aujourd'hui, c'est déjà 75% des ressources de la planète qui sont consommées, utilisées, absorbées par les villes. On est vraiment là. Pourquoi ce besoin de concentrer les hommes, les énergies dans des espaces aussi réduits? Alors, je pense que c'est parce que c'est un creuset, c'est là que tout se passe, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, le moteur économique est là, le brassage social, les connaissances, les sources de connaissances, alors le rêve d'un travail aussi, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on imagine, c'est l'Eldorado, c'est pour ça que vous avez des migrations de populations aussi agricoles qui ne peuvent plus travailler la terre parce que sécheresse, parce que guerre de l'eau, parce que etc., et qui vont s'agglutiner sur les bords des villes, parce que quand on dit que deux habitants sur trois sont aujourd'hui de la planète sont urbains ou seront urbains demain. Ce qu'on oublie de dire, c'est que un sur trois aujourd'hui est déjà habitant de bidonvilles dans les villes. Eh oui. Oui, on s'agglutine même aux alentours des villes, là où pourtant le... Ou dans les creux, dans les interstices, mais dans des conditions précaires. Alors il y a ce besoin de s'agglutiner dans des villes qui parfois ne peuvent pas s'étendre dans l'espace. Alors comme vous le dites, ce sont ce que vous avez déjà mentionné, les villes Lego. On empile, et on grimpe, on gagne en hauteur. Il y en a beaucoup de ces villes Lego. Il y en a énormément, et si on prend le Japon comme exemple, parce que c'est un bon exemple pour comprendre pourquoi on ne peut pas grandir. Ouais. On pourrait prendre Monaco, on pourrait prendre Ramallah. Mais prenons le Japon parce que c'est très grand, c'est une mégalopole, et vous avez parlé de gigantisme. Donc, la Taiyoji Belt, c'est la ceinture du Pacifique, qui se trouve, Tokyo est au milieu, et puis c'est 105 kilomètres de longueur. Donc une grande ville, un grand arc urbain, Tokyo, Osaka, Kobe, puis ça va jusqu'au-dessus de Fukushima. Cette ville-là est sur la côte. Elle ne peut pas s'étendre latéralement vers l'arrière des terres parce qu'il y a les forêts et que les forêts sont protégées. Il y a les kamis, c'est aussi de l'exploitation forestière, donc c'est de l'argent. Elles peuvent plus s'étendre vers la mer parce qu'elles ont déjà construit des polders et qu'aujourd'hui, à chaque séisme, les polders s'enfoncent comme des marécages et des sables mouvants. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction des sols. Donc toute la côte, du reste, est complètement artificielle. Si vous regardez sur Google Earth, c'est très intéressant de voir. C'est vraiment un découpage intriguant. Donc elles doivent se développer de manière soit verticalement en hauteur, soit verticalement en creux. Donc en hauteur, il y a un nouveau projet qui s'appelle la Sky Mile Tower qui va empiler comme ça 440 étages au milieu de la baie de Tokyo sur une mer transformée en culture d'algues. Voilà, un projet très science-fiction mais réel en même temps. 80% de la population japonaise qui vit sur ces 4% du territoire de l'archipel. C'est pourtant pas bien grand le Japon, mais là encore, on se concentre, on se condense, et puis surtout, on essaye de survivre ensemble, parce que cet arc est soumis au typhon d'un côté, au séisme, au tsunami. Il y a énormément de problèmes. Trois typhons cet été comme la main qui ont suivi. Ouais. Alors justement, vous le disiez, ville Lego, on s'élève. Il y a aussi les villes terriers et Tokyo est à la fois une ville Lego et une ville terrier parce que on creuse, c'est aussi une façon de se protéger des typhons. Des séismes aussi. Et des séismes. Mais alors, ça implique quoi de dire on creuse, alors, la terre? Ces villes terriers, oui, c'est vrai, je les ai découvertes au Japon. Maintenant, je me suis rendu compte qu'Helsinki, elles existaient depuis des années parce que quand il y a le grand froid, il faut survivre. À Paris, le nouveau réinventé Paris, c'est habiter les sous-sols. Au Japon, pourquoi est-ce que ça a démarré? Pourquoi est-ce qu'on a habité? On a commencé à habiter les sous-sols. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de kilomètres carrés qui sont déjà creusés sous la terre. Ça a commencé dans les années 80 avec une crise économique et une crise de foncier. Ouais. L'argent était tellement, enfin, ça coûtait tellement cher qu'il fallait essayer de trouver de la place. Et donc, on a cherché sous terre, c'est-à-dire là où il y en avait encore un petit peu. Et donc, aujourd'hui, ce sont des réseaux ferrés qui se sont transformés petit à petit en galeries marchandes. On y a mis des équipements, comme on l'a fait à Helsinki, des équipements qui n'avaient pas besoin de lumière naturelle, des cinémas, des choses comme ça. Et aujourd'hui, toutes les grandes compagnies de construction japonaises ont leurs projets de villes souterraines. Et ça, c'est des projets complètement dingues, mais c'est des projets réalistes. Ils sont capables de le faire avec des bulles. Ça ressemble à des navettes spatiales. Les parois sont courbes, tout est très blanc ou très souple ou très... c'est une ambiance caressante, on va dire, avec une douce musique. Parfois, il y a des chants d'oiseaux, on aurait pu prendre les bruants et voir ce que ça donnait dans les métros et les souterrains japonais. Tout ça avec une jungle qu'on a replantée à l'intérieur et qui donne un sentiment de bien-être. Ouais. Mais alors, ça va loin parce que au Japon, on prépare finalement la population à vivre dans les années à venir sous terre. C'est-à-dire que les enfants dès l'école maternelle, on les désangoisse avec ça. On fait en sorte qu'ils ne soient pas claustrophobes et qu'ils aient envie de vivre sous terre plus tard. Parce que c'est le gros problème, parce que sinon, si on regarde sans avoir aucune émotion, sous terre, on est à l'abri des séismes, on est à l'abri des changements climatiques importants, canicules, etc. On a le matériau, des géomatériaux impeccables, on a de l'eau, on a de la géothermie. On manque un peu de soleil quand même. On n'a pas de lumière et surtout on a un imaginaire, nous, qui est plutôt les monctoniens, les monstres, les profondeurs, les enfers, etc. Donc pour contrer ça maintenant, les écoles maternelles effectivement travaillent avec des conteurs et des psychologues pour mettre en place des histoires à raconter aux enfants pour leur montrer que ce Taubeville va être en fait un endroit merveilleux. Ça va être aussi doux qu'une rabouillère de lièvre ou aussi agréable qu'une catiche de loutre. Très bien. Alors, il y a aussi des projets de villes flottantes. Là aussi, ça paraît étonnant parce qu'on se dit, il y a quand même encore des surfaces sur les continents qui sont disponibles et libres. Alors, on préfère imaginer faire flotter des villes. Il y a deux grandes catégories de villes flottantes. Enfin, il y en a trois même. Il y en a une qui est la nécessité. Je pense à Amsterdam. Et puis, ils sont déjà très loin dans ces questions-là en Hollande, puisque ils ont construit sous le niveau de la terre et que les digues commencent à être difficiles à entretenir au niveau argent. Donc, on imagine habiter sur l'eau, d'abord sur un bateau et puis sur un quartier flottant. Et puis, le quartier devient une ville, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un refuge par rapport à cette montée des eaux. La deuxième catégorie, c'est les villes libertaires. Et ça, il y en a de plus en plus. Grand patron de Facebook qui a mis plusieurs millions dans des projets de villes libertaires. Ce sont des villes libertaires qui se trouvent évidemment dans des eaux internationales, des eaux qui sont hors taxes, etc. Et qui sont aussi des immenses casinos, par exemple. Ouais. Macao, il y a un immense casino qui est imaginé, qui est une ville de 4 km² avec des hôtels sous-marins. Vous pourrez passer d'un hôtel à un autre sur des petits sous-marins, des petits bathyscaphes individuels comme dans Spirou et Fantasio. Ouais. Et ce projet est allé très très loin. Mais quelle loi s'applique sur une île qui est construite dans des eaux internationales. Les villes libertaires font ce qu'elles veulent. Oui, mais c'est quand même un peu inquiétant. C'est-à-dire que si on y va et qu'il nous arrive quelque chose, on peut se plaindre à personne, c'est ça? Oui, c'est un prochain scénario pour une série américaine. Non, ça c'est clair. Mais c'est très inquiétant parce que ça c'est la dérive, je dirais. C'est la dérive, c'est-à-dire que la ville construite ex nihilo sur l'eau, peuplée par une certaine catégorie de personnes qui ont l'argent pour payer leurs billets, ces villes libertaires dont je vous parlais tout à l'heure avec Xavier Thiel, c'est uniquement sur le commerce et le geek et le commerce de la chirurgie plastique. Et ces villes-là, évidemment, ça fait très fort penser aux bateaux, aux vaisseaux qui partent dans le film avec le petit robot de Walt Disney, Wall-E. C'est complètement ça. Des gros personnages sur Les eaux se sont atrophiées, ce sont plus que des boules de graisse parce qu'ils ne se bougent plus du tout dans leur station. Et donc ces villes-là, moi, m'inquiètent très fort parce qu'évidemment, elles sont, ça c'est la gentrification au cube ou puissance 1000, mais ces villes flottantes, j'en ai rencontré beaucoup qui flottaient aussi sur la terre, sur le continent, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les gated communities, c'est les systèmes fermés où on vit entre soi, autour de piscines, alors que dehors il y a la sécheresse, et voilà, c'est le mais même alors, système. Ça ce sont des modèles viables, cette idée que l'on peut vivre sous cloche, isolé du reste du monde, en plein désert, en construisant des petits paradis terrestres artificiels. Alors, regardez Las Vegas, c'est une accumulation de petits paradis, mais qui aujourd'hui souffrent de la sécheresse énormément. Donc non, c'est pas viable. On prend toujours l'énergie et les ressources du voisin. Alors la ville invente au fur et à mesure des mésaventures et des catastrophes. Parmi les conséquences de Fukushima, on retourne au Japon, il y a, c'est étonnant, mais vous allez nous expliquer pourquoi, les fermes verticales à Tokyo. L'usine produit tous les jours 1000 à 1300 salades et emploie 10 à 12 personnes. Ici, l'éclairage est composé de diodes bleues et de diodes rouges. Alors on a l'impression que les laitues sont rose foncé. Mais si on les regarde sous le soleil ou sous une lumière fluorescente, elles sont bien vertes. Comme il n'y a pas d'insectes dans cette usine d'un nouveau genre totalement aseptisé, il est inutile d'utiliser des pesticides. Les végétaux sont parfaitement sains et propres. Nous vendons notamment ce produit, un mélange de salade que l'on n'a pas besoin de laver. On ouvre le paquet et on peut savourer tout de suite. Il n'y a plus qu'à mettre de la vinaigrette. C'est très bon. Voilà, donc au Japon, on empile sur des étages, comme ça, dans un gratte-ciel, des champs, ça s'est développé suite à la catastrophe. Donc c'est assez récent, depuis 2011, la catastrophe de Fukushima. Pour quelle raison ? On s'est dit que la Terre était cuite, et elle est cuite, effectivement. C'est-à-dire que Fukushima a contaminé fortement, parce que les nuages ont été jusqu'en Californie, mais ça a contaminé fortement toute la région qui était le grenier du Japon. Donc toutes les terres agricoles qui étaient là, les terres maraîchères, sont aujourd'hui, pour des milliers d'années, condamnées. Donc toutes les sociétés type Sharp qui faisaient des disques durs avant se sont dit qu'il y avait un marché à prendre, et que ce marché à prendre, c'était la haute technologie pour les salades, notamment, et donc l'agriculture urbaine verticale. C'est un modèle qui a été inventé aux États-Unis, Dickinson Pommier, qui a inventé ça à Columbia, et qui s'est dit que finalement, les champs, si on les empilait les uns sur les autres, et quand vous êtes gratte-ciel, on allait faire des économies. Oui. Le temps de la ville, à quelle vitesse évolue la ville? On s'en rend compte avec certaines idées, certaines innovations, elles arrivent assez vite, mais à l'échelle d'une ville, pour que les transformations soient perceptibles, c'est quoi le temps de la ville? Il est très différent d'une ville à l'autre, c'est compliqué de répondre à ça, mais je dirais que plus une catastrophe forte frappe une ville, plus les transformations intelligentes apparaissent. Ouais. Parce que quand on est dans une situation de crise, je pense à la ville de Constitution sur le bord du Chili, a été frappée non loin de l'île de Pâques justement. Ouais. L'île de Pâques, les pierres ont tremblé, mais personne n'a été averti, et Constitution a été ravagée en quelques heures. Et donc en quelques années derrière, on a dû réinventer le plan de la ville, et le plan de la ville a été réinventé en pensant justement à évacuer l'eau des futurs tsunamis, parce qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et ça a été très très vite. Ouais. On tire des leçons de ce qui s'est passé. Et parfois effectivement, les transformations sont assez spectaculaires. Dans un autre registre, Medellín, nous sommes donc en Colombie. En 20 ans, c'était une ville un peu rongée par le crime, les mafias. C'était une ville risquée, dangereuse. En 20 ans, le maire a mis en place des solutions qui font qu'il fait bon vivre maintenant dans cette ville. Elle est classée devant New York et devant Tel Aviv par le Wall Street Journal comme étant la ville la plus innovante du moment. Comment s'y est-il pris? Alors, il a eu une politique d'abord très courageuse, et puis ce qu'on a nous trouvé original, alors que ça me semble du bon sens, mais c'est ce qu'on appelle une politique inclusive. Il a parié sur tous les barrios et tous les quartiers informels qui étaient autour, en se disant qu'en les reliant et alors en offrant la culture et des équipements bibliothèques et écoles, il allait pouvoir retisser du lien dans cette ville. Ça, c'est très important dans le développement d'une ville. C'est justement ne pas faire la ville flottante, mais au contraire, oui, retisser du lien et de l'intelligence entre... Donc, sur les 7 ans de son mandat, 187 écoles et 8 bibliothèques nouvellement construites dans ces quartiers-là. Exceptionnels. Mais pour ça, il a mis au point des outils. Et des outils d'urbanisme et de planification d'urbanisme que nous, on n'a pas ici, qui s'appellent les unités de vie articulées et qui sont des choses extraordinaires. Oui. Alors, ça fonctionne comment? Pourquoi vous dites on les a pas chez nous? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on les ait? On les a pas chez nous parce que on a un feuilleté administratif ici en France qui est très impressionnant. Alors que à Medellín, comme c'était un gouvernement qui a été très corrompu, on a été obligé de mettre en place une nouvelle structure dans lequel le maire a quasiment tous les pleins pouvoirs. Alors là, coup de peau, on est tombé sur un maire très intègre, évidemment, et très intelligent. Et donc, ça a permis de faciliter et d'accélérer le mouvement des transformation de la ville. Alors, il faut aussi que les villes s'adaptent aux augmentations de température, aux canicules à répétition, c'est d'actualité, et on va en parler dans un instant. Don't beat the girl out of my mind. Don't beat the girl out of my boy. C'était Anna Calvi sur France Inter. Oh, bonjour la zone. Je me demande qui peut bien vivre dans un trou pareil. Moi, c'est mon chez moi ce trou. Daniel Fievé. Oh, et ça en jette, c'est bucolique, je te jure. T'as un sacré décorateur. C'est dingue ce qu'on peut faire avec si peu de moyens. Le temps d'un bivouac. Et autour de la table du temps d'un bivouac, il y a Nicolas Gilsoul, auteur avec Eric Orsena de Désir de ville, petit précis de mondialisation numéro 5. Hein, Eric Orsena en est à son cinquième précis de mondialisation. À chaque fois, il s'adjoint le concours d'un expert du domaine. Et cette fois-ci, c'est donc vous, Nicolas Gilsoul. Le livre est paru aux éditions Robert Laffont. Vous, en tant qu'architecte et paysagiste, vous prenez en considération la résilience des villes. Pour vous, une ville, ça résiste, ça s'adapte, ça évolue un peu comme les espèces dans la nature. Oui, oui, c'est fascinant et c'est passionnant. Bien sûr, elle doit s'adapter parce qu'elle doit s'adapter pour survivre. Quand vous voyez New York aujourd'hui, il y a des coups de chaud terribles en été, il y a des coups de froid, ça ressemble au milieu du Nebraska en hiver. Donc il faut s'adapter, il y a la montée des eaux, etc. Donc oui, il faut s'adapter et l'idée de l'adaptation par rapport à la nature, en fait, moi je suis venu à l'architecture par le vivant. Ça m'a toujours fasciné. Je pense que j'avais 10 ans quand il y a un prof de sciences extraordinaire qui nous a expliqué comment fonctionnait la mâchoire d'un serpent. Je m'étais toujours demandé comment les dents ne perçaient pas la partie haute de la mâchoire. Donc elle nous a expliqué ça de manière très mécanique. Et rentré chez moi, j'avais fait la mâchoire de serpent en Lego avec les articulations. Donc ça m'a passionné et c'est comme ça que je suis arrivé à l'architecture. Et quand vous voyez la liane passiflore, en Amazonie, elle doit résister à un papillon qui s'appelle Heliconius, qui est rouge, magnifique. Et donc, pour lui résister, ils ont coévolué tous les deux de la même manière que la ville doit coévoluer avec son environnement. Donc, la liane passiflore a d'abord inventé des nouvelles formes de fleurs, de feuilles, pour perdre le papillon, et puis ensuite travailler sur des poisons. Chaque fois, il a trouvé l'antidote. Et puis, finalement, a imaginé de faire des petites excroissances en forme d'œuf pour perdre le papillon et l'envoyer sur d'autres. Ouais. Voilà. Donc, la ville, c'est pareil, doit inventer sans cesse, combiner les stratégies pour survivre. Ouais, et alors la stratégie à inventer, hein, l'adaptation du moment, on est en plein dedans, ce sont ces coups de chaleur à répétition, nos villes sont en surchauffe, hein, on s'en rend compte particulièrement en ce moment, quand il y a du soleil, tout le sol rayonne et on étouffe littéralement, alors on commence un peu à les transformer un peu partout dans le monde, ces villes, ça passe par la verdure, ça passe par cette envie de canoper, de mettre un feuillage. C'est une des grandes stratégies de combat de ces canicules, effectivement. C'est ce qu'on a appelé la ville canopée. Il y a cinq sous-stratégies, je dirais, qui viennent dedans. La première, c'est la forêt. C'est la ville forêt. On va peupler la ville de plus d'arbres que d'habitants pour essayer de réguler. On va en reparler. Il y a la ville moulin, c'est-à-dire qu'on va profiter des vents, on va les diriger. Ça existe depuis des années. Hein. Tolède, le vieux Tolède faisait ça très bien, profiter des vortex. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cool breeze. C'est on profite d'un vent frais qui passe au-dessus de ces arbres et donc au-dessus de ces parcs linéaires pour rafraîchir la ville qui est derrière. C'est ce qui se passe à Singapour, c'est ce qui se passe à New York le long de l'East River ou de l'Hudson River. Il y a la ville parasol, qui va jouer le rôle d'ombrière et qui va, c'est notamment le parc Al-Faya à Abu Dhabi, qui va travailler sur une nouvelle croûte du désert, mais 20 mètres au-dessus du sol, avec un parc en dessous et avec un environnement en dessous. C'est... Alors ça, c'est un projet, hein, mais il a l'air assez, comme souvent dans ces pays, à Abu Dhabi, ça a l'air assez pharaonique, mais c'est à la fois un bâtiment et un parc, en fait. C'est à la fois un avec bâtiment des et zones un parc. Ombragées, des sortes de coques de sable qui vont... C'est une croûte du désert, mais il faut que vous l'imaginiez 20 mètres au-dessus du niveau du sol, craquelé, une croûte de désert craquelée, c'est du béton. Et en dessous, vous avez dans chacune des piles qui va tenir ces morceaux de sable solidifié, dans ces piles, vous avez chaque fois une bibliothèque, un lounge, un restaurant, etc. Et entre tout ça, il y a une oasis avec des palmiers, un WED, mais augmenté, on va dire, hyper connecté. C'est important, hein, la variation de température. C'est pas un gadget, cette histoire de mettre de la végétation pour rafraîchir les villes. Non. On s'en rend compte à Montréal, c'est ce que vous expliquez. Alors, il y a la partie, c'est pour ça, Montréal, c'est le Mont-Royal. Il y a une partie très boisée d'un côté de la ville. Puis de l'autre, c'est beaucoup plus bétonné. Et on a des écarts de température de 6 degrés entre les deux natures de villes. 6 degrés d'un trottoir à l'autre. Oui. Ouais. Au même endroit. Au même endroit. Et c'est dû à la morphologie du bâti. C'est dû à la présence des arbres, surtout à leur densité, à leur orientation, au vent, etc. Et donc, Montréal, qui a subi l'année dernière 5 canicules à la suite, enfin, on n'en est pas loin ici, hein, entre nous. On souffre en ce moment, a mis en place ce qu'ils ont appelé le plan Canopée. C'est 50 millions d'euros sur 10 ans. Et ces 50 millions d'euros sur 10 ans vont servir d'un côté à la replantation de nouveaux arbres et de l'autre côté à la préservation de la forêt urbaine qui est déjà en place. Et quand je dis replantation, donc forêt urbaine, ils ont 1 million d'arbres dans Montréal. Et les nouveaux arbres, c'est 120 000 sur le domaine public et 180 000 sur le domaine privé. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le privé aide à planter les arbres aussi. Chaque permis de construire, mais aussi avec des systèmes comme à San Francisco, où on replante des morceaux de la rue qu'on va venir regagner. Et cette forêt urbaine à Montréal, elle a un petit souci aujourd'hui. C'est qu'elle est attaquée par un petit insecte vert magnifique, la grille du frêne, qui mangerait 20% de la forêt d'ici sur 15 ans. Donc il y a une grosse protection à mettre en place de ces arbres. Et là, à Montréal, ils ont fait une alliance que je trouve assez formidable, qui est une alliance entre une intelligence artificielle et une surveillance en fait par drone, une cartographie en temps réel de chacun des 1 million d'arbres de la ville en fonction de leur environnement pour savoir lesquels seront attaqués, à quel moment, de quelle manière, pour pouvoir les opérer un à un de manière chirurgicale. C'est chirurgical. Ouais. Alors à Barcelone aussi, hein, il y avait ces grandes places minérales, bétonnées, et là la verdure s'installe. Revient en force, parce que Barcelone dans les années 80, c'est le modèle que nous on a tous suivi, qui était le modèle au niveau de l'aménagement de la ville. On enlevait les voitures des places, c'est ce que Lyon a fait après. On a enlevé les voitures des places et puis on a fait des magnifiques places complètement minérales avec des détails extraordinaires. Tous les architectes du monde venaient voir, puis copier ailleurs. Aujourd'hui, Montréal crève de chaud. Il faut quand même l'avouer. Barcelone crève de chaud aussi. Et donc, ceux qui sont en train de transformer, c'est qu'ils griffent ces espaces publics. Quand je dis griffent, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la pierre, ils laissent la terre et la terre fertile ressortir, et ils plantent sous la forme d'une palmeraie, c'est-à-dire avec la même logique que la palmeraie qu'on connaissait en Égypte ancienne. C'est-à-dire le palmier va faire de l'ombre sur l'arbousier va faire de l'ombre sur le petit arbuste, et le petit arbuste va faire de l'ombre sur les vivaces du bas. Et donc on a un système étagé maintenant, et donc toutes ces places qui étaient extrêmement minérales sont en train de devenir autant de palmeraies et de jardins fabuleux. Oui, on retrouve un peu les mêmes idées aux quatre coins du monde. À San Francisco, les trottoirs, on s'est dit ces trottoirs sont beaucoup trop larges. Et alors, idée intéressante, on a demandé aux populations, on leur a dit mais venez planter, on va dégager la terre griffée, comme vous dites, on va dégager une partie de ce trottoir bitumé et on va vous autoriser à planter sur les trottoirs. Ouais, c'est le Better Street Plan. Ça, c'est très intéressant parce que c'est nouveau une association. Vous savez, on n'a plus d'argent dans les villes. Ouais. Donc, on n'a plus assez de jardiniers. Donc, il faut engager tout le monde et il faut que tout le monde y mette. Et ça crée du lien social. Et on est très content parce que tout le monde, ces citadins, ont besoin de nature. Et donc, à San Francisco, ils ont fait un truc intelligent. Ils ont mis en place un plan guide, directeur, en disant cette rue-là, on n'a plus besoin d'autant de largeur. Et donc, vous pouvez y aller, vous pouvez réinvestir. Et 60% de la canopée de San Francisco aujourd'hui a été plantée par des associations et des privés. Autre initiative à San Francisco, on a tout parié sur le recyclage et sur le zéro déchet. Qu'est-ce que ça signifie le zéro déchet ? Zéro déchet signifie que tout est réduit, réutilisé, recyclé ou composté, que rien ne va dans des décharges ou n'est incinéré. Où en êtes-vous dans ce processus pour atteindre le zéro déchet ? San Francisco recycle 80% de ses déchets. Cela inclut ce qui est généré par les logements, par les entreprises commerciales et les chantiers d'urbanisme. Nous fournissons les moyens. Il y a 3 poubelles. Verte pour le compost et la nourriture, bleue pour le recyclage et noire pour le peu qui reste. La loi exige désormais qu'habitants et entreprises recyclent et compostent. C'est une obligation s'ils ne le font pas ? Oui, on peut avoir une amende si on ne recycle pas correctement. Voilà, à San Francisco, c'est sur le zéro déchet qu'on a misé. C'est intéressant de voir comment chaque ville creuse son sillon. Comment ça se décide? Qu'est-ce qui fait qu'une ville décide d'une stratégie? J'imagine que, en tant qu'architecte paysagiste, vous vous êtes posé la question, Nicolas Gilsoul, qu'est-ce qui fait qu'une ville emprunte une voie plutôt qu'une autre? C'est des questions d'opportunité. Je pense que c'est des questions d'opportunité, c'est des questions d'attractivité aussi. On réinvente des nouvelles légendes. Et chaque ville réinvente sa propre légende. San Francisco a misé là-dessus. Aujourd'hui, 4/5 des déchets de la population sont transformés en terre vivante. C'est extraordinaire. Ouais. Et donc on suit, évidemment. Ça fait des émules, c'est-à-dire d'autres villes s'en inspirent. L'Orient, en France. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, hein. C'est dans l'intérêt d'échanger les bonnes idées. Et nos villes dans tout ça, vous parliez de l'Orient, vous évoquez plusieurs villes dans votre livre, Nicolas Gilsoul. Nous allons, nous aussi, nous y intéresser dans un instant. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin, au fond d'une cour, à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. Le petit jardin de Jacques Dutronc, le temps d'un bivouac sur France Inter. Tu vois, ici on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique? Ça n'est pas possible, hein? Je suis désolé, allez. Hein? Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein? Mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges. Ouais. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, mm-hmm. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres, très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Typiquement dans l'esprit des habitations japonaises. Parce que ces gens-là, malgré tous leurs défauts, avaient compris beaucoup de choses. Hein. Benoît Poulvord, devisant sur l'urbanisme dans cette arrivée près de chez vous. Clin d'œil à notre invité Nicolas Gilsoul, architecte et paysagiste, qui est aussi d'origine belge. Il signe avec Eric Orsena « Désir de ville » aux éditions Robert Laffont. On a tous notre avis, hein, comme Benoît Poulvord, sur ce qu'il faudrait faire, sur ce que c'est qu'une ville bien urbanisée ou mal gérée ou mal dessinée. Alors allons-y, allons nous promener dans les villes près de chez nous en France. Alors vous avez travaillé sur des tours à Toulouse avec un jardin en spirale autour de... Ah oui, qui fait parler beaucoup, à mon avis, Poulvord pourrait en parler de manière très comique. c'est une... Oui. En fait, c'est le moteur, c'est le déclencheur d'un nouveau quartier qui va démarrer autour de Matabiau, autour de la gare, entre le faisceau de voies ferrées et le canal du Midi. Donc évidemment, un lieu très compliqué, très problématique. Et la tour n'est qu'un des éléments de tout cet ensemble. Mais dans lequel il y a un vrai projet urbain de reconquête des bords du canal aussi, qui aujourd'hui ne sont que voitures et qui vont devenir demain des promenades. Et donc ce jardin, c'est une double spirale qui monte à 150 mètres de hauteur et qui me pose énormément de questions, parce qu'évidemment, quel plein type, de contraintes. Quoi. Quel type de questions alors ça vous pose? Bah écoutez, imaginez une double spirale, ça veut dire que à chaque niveau, le jardin tourne légèrement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais la même orientation. Pour les plantes, déjà, voilà. Les balcons du dessus débordent parfois pas. Donc il y a certains morceaux au même étage qui vont avoir l'eau de pluie, d'autres qui ne vont pas avoir l'eau de pluie. Certains qui sont sous le vent d'autant, d'autres qui ne le sont pas. Certains qui prennent le soleil, d'autres qui prennent le soleil de plein fouet mais qui sont au sud. D'autres qui prennent le soleil, qui ne prennent pas le soleil mais qui sont au sud, etc. etc. Ouais. Donc des contraintes incroyables. Ça fait 88 jardins différents finalement, puisqu'il y a 44 étages. Mais c'est passionnant parce que de loin, ça doit donner le sentiment d'avoir une seule spirale qui... En plus, est vert doré dans le bas et devient argenté en haut, et en même temps qui doit avoir une impression de continuité, quoi, qui doit survivre dans le temps. En vous entendant, on comprend à quel point architecte et paysagiste, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est intimement lié finalement. C'est intimement lié, je vais vous dire, par rapport à la chanson que vous avez passée avant, c'est intimement lié au promoteur aussi. C'est-à-dire que si le promoteur ne vous suit pas, vous n'avez pas la terre nécessaire, et là j'ai de la chance avec Philippe Journeau, vous n'avez pas de terre nécessaire ou suffisante pour faire survivre ce truc-là et ça meurt. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut encore donc, après. Il faut que tout le monde soit en phase. Allez, on fait un petit tour des villes françaises. Bordeaux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Bordeaux qui a beaucoup évolué, hein, Bordeaux, c'est la belle endormie qui s'est réveillée. C'est ce que tout le monde dit, mais c'est fascinant parce que il y a quelques années, ils ont lancé ce concours qui s'appelait 55 000 hectares de nature. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se disent dans le développement du grand Bordeaux, des métropolitains, on va laisser 50% de la surface de cette métropole à la nature. C'est un sacré pari. Ça veut dire que on va développer et on va accompagner, guider le développement des tentacules de cette métropole en fonction de la nature. Quelles sont les terres qui sont fertiles? Quelles sont celles qui ne le sont pas? Quelles sont celles qui sont des corridors écologiques, etc., etc. Donc c'est un pari d'imaginer que la nature peut venir avant la planification urbaine. Lyon, après la conquête des places dont on a parlé à Barcelone, c'est principalement le Rhône et la Saône qui sont formidables, parce que on voit ça, cette reconquête des villes vers leurs fleuves, un peu partout, à Moscou, à Riyad, hein, mais évidemment à Lyon. Et à Lyon, ce qui est intéressant, c'est que le Rhône, ils ont commencé par le Rhône, les réaménagements du Rhône, très aménageur, avec des amphithéâtres de pierre, avec des choses très magiques, mais très très dures. Et puis la Saône, autre gouvernance, autre échelle, autre moyen financier. Et donc là, c'est un road movie, c'est une espèce de paysage par petites touches impressionnistes, les unes derrière les autres, avec des zones inondables. Marseille, Euro-Méditerranée. Les Égalades, c'est un ruisseau qui est à l'arrière, sur lequel s'est construit tout l'urbanisme de François Leclerc. Et ce ruisseau, on l'a remis à jour. Il était à l'arrière des anciennes industries. Et il est devenu le front de scène de tous les appartements qui vont se dégager autour. Et il est, là aussi, accompagné par un parc inondable, donc résilient. Ouais, c'est ça. On sent les parcs sont dans tous les projets. Hein. La végétation prend ses revanches sur la ville actuellement. Et Paris dans tout ça, Lucas. Avant votre réponse, voilà comment Jules Verne imaginait le futur de la capitale dans son roman Paris au XXe siècle. Qu'eût dit un de nos ancêtres ? Avoir ces boulevards illuminés avec un éclat comparable à celui du soleil. Ces 1000 voitures circulant sans bruit sur le sourd bitume des rues. Ces magasins riches comme des palais, d'où la lumière se répandait en blanches irradiations. Ces voies de communication larges comme des places. Ces places, vastes comme des plaines. Ces hôtels immenses dans lesquels se logeaient somptueusement 20 000 voyageurs. Ces viaducs si légers. Ces longues galeries élégantes, ces ponts lancés d'une rue à l'autre. Et enfin, ces trains éclatants qui semblaient sillonner les airs avec une fantastique rapidité. Il avait vu assez juste, hein, Jules Verne, pour le Paris du XXe siècle. Par contre, son Paris du XXe siècle est assez dépassé. Pour le XXIe siècle, ce sera la végétation. Qu'est-ce que vous pensez des évolutions de Paris ? Je pense qu'il y a une chose importante à dire, c'est la question des petites villes. Parce que là, jusqu'à présent, on a parlé vraiment des mégalopoles ou des métropoles ou des très grandes villes. Paris ne pourra pas survivre si elle n'a pas l'aide de la région. Et de la première couronne et de la deuxième couronne. Et là, il y a des choses formidables qui se passent, notamment un projet de ceinture verte qui est en route depuis les années 70. Cette région peut nourrir Paris, cette région peut éponger les canicules, peut éponger les pluies, peut éponger toute une série de problèmes auxquels on va faire face de plus en plus. Et si Paris continue à faire l'insolente et à nier cette région, on va pas y arriver. Donc je crois que là, il y a une question de souffle, il y a une question d'amplitude qui est importante à prendre en charge. Prendre le contour des villes, les régions. Le Grand Paris ne s'arrête pas là où il s'arrête aujourd'hui. Ouais. Merci Nicolas Gilsoul. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Désir de ville, chez Robert Laffont. Et puis, vous êtes l'un des trois commissaires de la première biennale d'architecture et paysage qui se tiendra de mai à juillet 2019. Il y aura des photos de vous exposées à Versailles. Oui, il y aura des photos de villes surtout résilientes, voilà, ouais. Et de projets, voilà, et de ce Grand Paris possible. Très bien. Donc ce sera, faut un peu patienter, hein, c'est pour mai à juillet 2019. Un grand merci à vous. Vous restez avec nous, puisque dans un instant, Pierre Josse, notre routard du mardi soir, nous emmène faire un dernier tour en ville à sa façon. Thank you. que tu touches. C'était signé Barbara Carlotti et Bertrand Burgala. Et c'est Elsa Béranger qui signe la programmation musicale du Temps d'un Bivouac. Et à 17h52, voilà que débarque l'autoproclamé Train Savate Planétaire sur France Inter. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion. Toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Tout. Bonjour Pierre Josse. Bonjour Daniel. Rédacteur en chef du Guide du Routard. Est-ce que l'évolution des villes intervient dans votre travail d'auteur de guide de voyage? Ah, mais c'est primordial. Ouais. Absolument. On peut suivre dans le Guide du Routard sur 30 ou 40 ans les profonds changements des grandes villes et des métropoles dans le monde. Par exemple, le New York, le San Francisco des années 60 et 90 n'ont plus guère à voir architecturalement, sociologiquement et culturellement parlant avec celui des années 2000. C'est évident. Ouais. D'ailleurs, nous, ce qui nous intéresse et ce qui va intéresser les lecteurs, dans la description d'une ville, ce sont précisément ces changements et en même temps ce qui y résiste. C'est une tension permanente, un rapport de force entre un monde qui disparaît et le nouveau qui s'impose souvent par la force, hélas. Et avec de très intéressants effets artistiques, notamment dans ces périodes de transition, il se crée des espaces, des failles, des anfractuosités où se glissent artistes et poètes urbains et où s'inventent les utopies les plus jouissives. Pouvoir expliquer cela, pouvoir inviter nos lecteurs à découvrir ces espaces de liberté, demeure l'un des plus grands plaisirs du rédacteur de guide. Alors, juste une anecdote, Daniel. Oui. Ça provoque parfois l'ire des institutionnels. Exemple, dans le Routard Londres des années 80, j'ai fait une description trop enthousiaste des squats. Ah oui. Il faut penser que en 82, il y avait 40 000 squatteurs à Londres, des rues entières, et qui étaient soutenues par une loi du XIIIe siècle qui disait qu'on avait le droit d'occuper une maison libre. Oui. Et alors, ça vous a posé des problèmes de défendre? Oui, ça m'a posé des problèmes. Alors, Thatcher n'est pas intervenu directement, mais elle a fait voter une loi en 84, ah, oui, annulant cette loi du XIIIe siècle. Oui. Et l'ambassadeur et l'Office du tourisme britannique sont intervenus par courrier vénéneux, intempestif, pour réclamer la suppression du chapitre dans le Routard. Ouais, vous pouvez nous donner d'autres exemples, Pierre? Absolument. Impossible de tous les citer. Alors moi, mon grand coup de cœur, c'est Christiania, à Copenhague. C'est une ancienne friche militaire dans les années 67-68. Elle fut de 34 hectares. Hein. C'est, ouais, énorme dans une ville, dans un centre-ville. Elle a été squattée par les hippies de l'époque et tolérée. Ce squat a été toléré par une social-démocratie légendairement ouverte. Ah oui. Christiania, aujourd'hui 1000 habitants, dont 200 enfants, a donc su résister aux appétits des promoteurs. Ça n'a pas été facile, mais ils ont gagné. Et c'est devenu l'une des plus célèbres attractions de la ville, une image de marque de tolérance et de plus de 300 000 visiteurs annuels. Et évidemment, un poumon vert pour les habitants et en même temps, un espoir, un autre mode de vie urbain. À New York aussi, à New York. À New York, c'est mon grand coup de cœur. Ouais. On se rappelle que la grande crise économique des années 60-70 provoqua la démolition de nombreux immeubles insalubres et l'abandon total des terrains vagues, notamment de le Lower East Side. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les habitants? Ouais. Bah, ils se sont pas résolus à cette déchéance. Ils ont squatté les dents creuses et les surfaces abandonnées et ils les transformèrent en jardins, faisant pousser des arbres, plantant des potagers. On raconte même qu'au début, il y avait des espèces d'escouades qu'on appelait les green guérillas et qui balançaient des bombes à graines. Ah oui. Par-dessus les clôtures. Ah, génial. Pour faire pousser la végétation et les arbres. Ah, c'est super. Et ces jardins communautaires devinrent des liens de rencontre des gens du quartier, des espaces chaleureux de convivialité, d'accueil des pauvres, des personnes âgées, et ils permirent, et vous en parliez tout à l'heure, de tisser le lien social, extrêmement important. Les jeunes s'y sensibilisent aux problèmes écologiques et environnementaux. Les légumes sont partagés. Le surplus est donné aux soupes populaires. Et lors de la reprise économique, devant les appétits féroces des promoteurs, eh bien, la lutte pour leur préservation renforça la solidarité des gens et il y eut de nombreuses victoires. Et alors aujourd'hui, quelle est la situation de ces jardins communautaires? Eh ben, il en reste plus de 1000 à New York. Ah. Des grands, des petits. Les potagers sont visités par les écoles. Les légumes sont vendus aux voisins. En France, d'ailleurs, ça commence à se développer. Récemment, j'ai pu visiter le potager au pied du château ouvrier dans le quartier Pernetti. à Paris. Eh bien là, très visité par les écoles du coin, beaucoup d'activités culturelles qui y sont liées. Par exemple, l'histoire des semences, la fabrication du pain, etc. Et puis dans un petit village que j'adore près de Cannes, ouais. Mouhans-Sartoux, qui est une ville écolo de 8000 habitants, c'est étonnant, en pleine Côte d'Azur, eh bien la mairie a développé de grands potagers pour fournir les écoles en bio. Ça c'est et comme à Détroit, l'agriculture urbaine se développe aussi à New York, et notamment, et là, hein, vous êtes d'accord avec moi, d'impressionnantes fermes sur les toits, et notamment le Brooklyn Grange. Alors là, Daniel, 3 hectares sur les toits, d'un seul génial. Tenant, la plus grande ferme sur les toits du monde où poussent fruits et légumes, et vendus au restaurant, alors évidemment... De façon maligne, ces restaurants communiquent, on vous sert du bio qui pousse là-haut. C'est local, on peut difficilement consommer plus local. Vous êtes optimiste alors, Pierre ? Alors, très très modérément. Ah bon. Les spéculateurs, les immobiliers, tout ça, sont toujours aussi féroces et leurs projets assassins. Ainsi, le principal danger, c'est l'artificialisation des sols, dont les conséquences écologiques sont désastreuses. Alors, je termine à 15 kilomètres de Paris. À Gonesse, plusieurs centaines d'hectares de terre parmi les plus fertiles d'Île-de-France sont menacés par un projet de centre commercial monstrueux et inutile. Alors, Daniel, une seule façon d'y faire échec, se battre, résister sans cesse. Il est bien remonté. Pierre Josse, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition Hachette L'Heure ou Tard. Et je vous dis, en pleine forme, à la semaine prochaine, à mardi prochain. Merci Daniel. Aloha, auf Wiedersehen, sayonara. Et bien d'autres choses encore. Au revoir, monsieur. Demain à 16h, nous partirons avec une photographe observer le monde animal dans toute sa diversité. Et à 17h, nous irons sur les pas des premiers explorateurs de l'Amérique du Nord. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Charlotte Lipinska pour un nouveau Mac de l'été, toujours en direct du Festival du film de Locarno.